sur la mer, sème l'humaine poussière, contrainte ou volontaire, et des filles au corps fier, cambrées comme l'enfer. Tout mystère que cet enfer. Des gens qui sont venus des trois bouts de la terre, loin de tout, loin des guerres, des haines et des misères, ont aimé ces yeux verts, noirs, bleus, outre-mer. Ce noir dans l'outre-mer, je vis dans un pays. Je vis dans un pays qui a su tout partager. C'est par elle que sont nés l'amour et la beauté, par ces femmes dorées, couleur de pain brûlé, entre plats, seins bombés, bouche, fruits à croquer. Je vis dans un pays qui a su tout partager. Je vis dans un pays où les peaux sont mélangées. Je vis dans un pays qui efface les préjugés. Je vis dans un pays qui a su.